Vous écoutez la balado d'Evée Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Audrey, tu t'es entretenue avec Fanny Aïcha la semaine dernière. Oui, Fanny Aïcha est une artiste visuelle engagée tant dans la lutte anticoloniale qu'environnementale. À ses yeux et de la vie de plusieurs, ces deux combats sont très liés, comme peut nous le rappeler la lutte des communautés autochtones contre les exploitations minières ou d'hydrocarbures sur leurs territoires ancestraux. Si vous consultez la page Facebook d'Evée Pandore, vous y retrouverez certaines œuvres de Fanny Aïcha, notamment une toile représentant la répression policière envers les Autochtones, dont on n'a plus spécifiquement discuté dans l'entrevue, vous allez l'entendre. Fanny Aïcha est aussi une artiste nomade qui a collaboré avec plusieurs communautés au Brésil, au Chili, au Guatemala notamment, ainsi qu'avec plusieurs communautés autochtones du Canada. Elle croit au pouvoir de l'art au service des communautés pour valoriser les histoires invisibles et l'équité entre chaque être humain. Elle est aussi féministe. Dans l'entrevue qu'on vous propose aujourd'hui, on discute donc de colonialisme, de la protection de l'environnement, de féminisme et des liens, des intersections entre toutes ces luttes. Alors, bonjour Fanny Aïcha, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci de l'invitation. Donc, pour commencer l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ton art. Donc, tu fais des peintures, des illustrations, des murales aussi, mais peux-tu nous décrire ce que tu aimes représenter à travers ton art? Oui, bien, en fait, j'aime beaucoup... Ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment la transmission d'histoire. Donc, c'est pas souvent toujours relié par rapport à moi-même, mais c'est souvent des histoires que j'ai rencontrées sur ma route à laquelle j'aime donner une voix ou transmettre à d'autres personnes. Donc, selon l'histoire, ça va influencer aussi le médium que je vais choisir. Donc, c'est vraiment de pouvoir donner une voix. Et tu représentes souvent des animaux, la nature dans tes œuvres. Tu prends aussi position contre les projets de l'éoduc, les hydrocarbures, les cours forestières. Alors, quel lien est-ce que tu vois entre ton travail et la lutte pour la justice environnementale? Ben, en fait, on réalise plus on s'attarde à faire des liens avec, par exemple, les projets de l'éoduc, les projets de développement, puis même des facteurs historiques, on réalise qu'il y a une problématique vraiment culturelle, d'histoire qu'on s'est fait raconter, tu sais. Puis parfois, j'entendais même parler des scientifiques dernièrement qui reconnaissent, par exemple, des problématiques environnementales et qui parlent que c'est vraiment un problème de culturel aussi, spirituel, tu sais, de matérialisme, puis qui n'ont pas tous les outils pour aller transformer cette histoire-là, en fait. Tu sais, comment on peut... c'est pas seulement réduire la consommation, c'est vraiment transformer notre relation à la nature, puis souvent par la culture, puis quand je parle de culture ou d'art, pas en tant qu'objet, mais en tant que relation de respect ou de compréhension avec l'environnement qui nous entoure, souvent la culture, ça va être un immense vecteur pour transformer les actions. Puis, est-ce que tu considères que ton art est militant en soi ou que tu fais parfois de l'art militant, par exemple, lorsque vraiment c'est des représentations concrètes, par exemple, de manifestantes ou de personnes qui ont un exemple d'une œuvre que j'ai vue que tu as faite avec un enfant qui tient une plume contre une espèce de rangée de policiers. Donc voilà, je me demandais, est-ce que ton art est militant en tout temps ou tu choisis des moments où tu es plus engagé? Ben, en fait, c'est toujours quand je peins, c'est surtout quand ça vient de des peintures personnelles, c'est souvent des cris du cœur ou vraiment comme quelque chose de personnel. Puis cette peinture-là que vous parlez, c'était une peinture qui s'était produite. En fait, c'est basé sur une photographie de Ossie Michelin. C'est un journaliste à PTN. Puis il y a eu, en fait, c'est ça, une communauté, puis plusieurs personnes qui s'opposaient au fracking des communautés Mi'kmaq, puis plusieurs citoyens du Nouveau-Brunswick. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est, tu sais, quand tous les gens prennent les voies légales, en fait, pour se faire entendre puis faire reconnaître leur je sais pas comment dire en français, mais leur titre puis les droits ancestraux autochtones pour être consultés, en fait, puis qui sont pas écoutés, souvent les gens vont devoir prendre justement la rue ou des voies pour, tu sais, occuper le territoire puis dire non à ces industries-là. Puis, en fait, cette peinture-là, c'était une femme, en fait, il y avait plein de gens qui s'étaient rassemblés, puis il y a eu une répression absolument violente. Puis, en fait, il y a une femme, en fait, qui s'est mise à prier pour... puis, j'avais trouvé ça tellement puissant parce que je me disais, ça montre vraiment quand on parle de colonialisme ou même de féministe, c'est comme tu voyais une femme qui veut juste faire respecter l'eau, le territoire, puis en fait, elle n'était pas seule, mais c'était très symbolique qu'elle soit seule en train de prier devant les policiers qui venaient de gazer, en fait, des aînés, des gens pour juste vouloir protéger ton territoire, puis ce qui soutient la vie. Donc, c'était souvent même avant de me dire que c'est de l'art militant, pour moi, c'est vraiment de d'honorer la vie, en fait. C'est ça la plus grande chose qui m'habite, en fait. Et te parler un peu, justement, de colonialisme. Quel lien vois-tu entre ton art aussi, encore une fois, et la lutte anticoloniale? En fait, souvent, ce que je vais voir avec le colonialisme, c'est vraiment une violence systémique, tu sais, qui s'est imposée depuis très longtemps, puis qui est tellement enracinée dans le système actuel, dans le capitalisme, en fait, c'est tellement implanté que on le reconnaît plus, puis tu sais, il y a des gens qui le perçoivent durement, tu sais, par la répression. Puis je trouve que l'art, c'est une forme de liberté, tu sais, c'est un système souvent je vais voir comment je pourrais faire le lien. Je trouve un des meilleurs exemples, c'est les projets d'oléoduc actuels. Je trouve que c'est une forme de colonialisme vraiment immense. Puis tu vois la perte, le manque d'imaginaire, d'être capable de visualiser quelque chose de plus grand, tu sais, qu'on a dans la vie. Puis là, je vais pas m'éloigner trop de la question, mais par rapport au lien avec l'art puis la lutte anticoloniale, je pense que c'est parce que aussi le colonialisme a créé de l'information de masse. C'est un peu un paradigme dominant, puis ce qui fait qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne réussissent pas à se rendre à la source, en fait, à les rejoindre la vaste population. Donc, c'est ce qui permet souvent de criminaliser des communautés qui vont s'opposer, disons, au développement, au lieu de comprendre leur relation d'amour au territoire ou culturel. Fait que je trouve que l'art, c'est en fait une responsabilité de devenir un média un peu indépendant, puis de transmettre... ces récits-là, puis ces réalités-là, puis aussi de le colonialisme que ça a créé, c'est vraiment une division au territoire. Tu sais, ça a été tellement, ça s'est tellement construit sur l'extractivisme, donc ça a divisé les gens de ta relation par rapport à tous les éléments, par exemple, naturels. Puis je trouve que l'art a ce pouvoir-là d'aller connecter, tu sais, à la beauté, d'aller... c'est créer, connecter, créer des liens, créer de l'émotion, de la sensibilité, de tisser, tu sais, ce qui a été divisé, en fait. Puis, puis de plus cesser de voir la nature comme seulement étant une ressource à notre service, exactement, comme dans la mentalité extractiviste. Comment est-ce que tu as développé cette sensibilité-là à la lutte anticoloniale? Je crois que ma plus grande constatation du colonialisme, puis ça a été quand j'ai beaucoup voyagé, puis au Guatemala, puis j'ai habité 3 ans au Brésil, puis en fait, de voir les impacts, souvent on parle dans les livres d'histoire, on met des dates sur le colonialisme ou la fin de l'esclavage, mais on parle pas souvent comment je pourrais dire, des résidus. Ben en fait, moi je trouve que c'est plus que des résidus, c'est vraiment, il y a un système qui est pas guéri, en fait, de violence systémique, de colonialisme, puis au lieu, quand il est pas guéri, il se transforme, puis il est encore toujours là. Donc, quand j'étais au Brésil, puis j'allais peindre dans des communautés, par exemple, où j'allais voir des événements culturels, puis quand tu te retrouves dans une communauté, puis que tu vois la violence économique, tu sais, des communautés qui sont excessivement riches, des communautés... puis quand je dis riche, c'est riche en capitaux, là, parce que souvent, il y avait beaucoup de richesses au sein des communautés. Puis c'est la première fois que j'ai vu une violence aussi... une division aussi flagrante là, que je voyais, il y avait une communauté par exemple où il y avait l'armée nationale qui était stationnée là à chaque jour, puis il y avait un événement, disons, puis tous les enfants peinturaient, dessinaient à terre, puis à l'entrée de leur communauté, il y avait l'armée qui à tout instant pouvait rentrer puis tirer partout. Puis je me disais, je regardais les par exemple à l'université où j'étudiais, puis tous les étudiants presque dans mes cours étaient disons caucasiens, puis tous les gens qui travaillaient à faire le ménage étaient afro-brésiliens, tu sais. Puis je me disais, il y a vraiment une, c'est encore tellement ancré. Puis voir la division, puis je me disais, la seule chose qui tu sais, c'est vraiment tout est il y a quelque chose qui n'a pas été guéri en fait de la colonisation. Puis tant qu'on va pas s'y attaquer en profondeur, puis je pense que ça change aussi par la culture, l'éducation, ça va toujours se retrouver dans n'importe quel nouveau système ou époque. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une responsabilité de notre génération, de quand on adresse un problème, de pas les adresser en surface ou diviser, comme je vois pas vraiment de division, disons, entre ce qui va se passer par rapport aux femmes autochtones disparues, assassinées, puis les projets de l'éoduc qui vont vouloir s'imposer à travers tout un territoire, disons 4600 kilomètres. Il y a une violence qui quand on prend la peine d'analyser tout ça, qui se met ensemble, puis un génère des impacts sur l'autre, puis souvent, on pense qu'il y a tellement, tout le monde va dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire, il y a beaucoup de causes, on sait pas où donner de la tête, mais si on peut tout trouver les éléments fondateurs, en fait, de cette violence-là, puis les mettre ensemble, c'est là qu'on va pouvoir tout reconsidérer à la base, tu sais. Donc, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail ensemble, en fait, de tous les secteurs. Ce que tu me dis, ça me fait penser, en fait, à la situation au Québec. Donc, je me permets de te poser la question, oui. Là, sens-toi bien à l'aise. En fait, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup le mythe qui est ancré, c'est en fait que la société francophone est une société qui a été colonisée par les anglophones. Donc, la critique par rapport au colonialisme français qui a colonisé les peuples autochtones, elle est vraiment un peu moins présente que dans d'autres pays. Donc, je me demandais, qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Ben en fait ce que j'ai réalisé, tu sais, souvent quand j'étais jeune, on parlait beaucoup de souverainisme, par exemple. Puis quand je me suis mis il y a une certaine époque, on avait un projet de mural qui a donné l'opportunité d'aller dans plusieurs communautés nordiques, puis des communautés autochtones. Puis plus je parlais avec des gens, plus tu sais, sur l'autodétermination, plus je réalisais, en fait, ça m'a tout fait reconsidérer des choses qu'on se fait enseigner, parce que je me disais, si on croit, disons, par exemple, en l'autodétermination, puis d'un peuple, puis en la souveraineté, la première étape à faire, disons, en ce qu'on appelle le Québec aujourd'hui, c'est de reconnaître l'autodétermination des peuples qui étaient là en premier, en fait. Donc, sinon, on recrée un peu la même problématique, puis un peu un mensonge. Puis je comprends, par exemple, que en tant que culture, beaucoup de gens veulent, disons, par exemple, l'autodétermination du peuple québécois ou quelque chose, mais en même temps, je pense que le gros malaise identitaire au Québec provient de ça, que si on veut reconnaître l'autodétermination culturelle ou d'un peuple, il faut le faire pour tout le monde, pas seulement pour soi-même. Tu as participé à la création d'une murale qui est située sur la rue Saint-Laurent, Montréal. La murale réclame justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Peux-tu nous parler un peu plus de cette expérience de création de ce projet-là? Oui, en fait, cette murale-là, ça s'était initié par Missing Justice à Montréal. Puis eux m'avaient approché pour qu'on puisse réaliser une murale en solidarité avec en fait toutes les femmes disparues au Canada, puis principalement aussi dans les communautés là, sur ce qu'on appelle le Québec, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Puis en fait, il y avait une murale il y a plusieurs années qui s'était fait, je crois, au même endroit, puis elle s'était fait vandaliser, donc il n'y a aucune présence de ça dans la rue. Puis moi, je m'en allais pour un an à l'extérieur de Montréal, fait qu'on a fait ça quand même assez rapidement là, en deux semaines avec Gouko puis Monkey. Donc on a réalisé cette murale là, puis c'était vraiment dans l'urgence. En fait, c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus de murales qui se font aussi à Montréal, puis il y a beaucoup de murales qui vont avoir parfois des portées plus commerciales, disons, puis on réalise que, tu sais, il y a aucune présence des Ganiaga comme Mohawk à Montréal sur les murs. Puis on tenait, comme quand on a fait la murale, on a approché les centres de langue, un centre de langue, pour qu'on puisse traduire un message des gens en langue Mohawk pour qu'il y ait une présence à Montréal. Donc c'était, en fait, je voudrais pas dire que on représente le message, par exemple, des gens, des Mohawks qui étaient ici, mais on tenait comme à que ce soit présent sur la sur la rue. Et puis, bon, tout ça m'amène à parler de ton rapport au féminisme. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton rapport à ce mouvement-là, à ces idées-là. Oui, ben en fait, c'est une très bonne question, surtout après qu'est-ce qui s'est passé avec la ministre de la condition féminine qui se disait pas féministe dernièrement. Puis je trouve que ça me fait beaucoup réfléchir avec ça, tu sais, de quelle connotation. Il y a une grande ignorance, je pense, sur le féminisme. Tu sais, c'est une panoplie d'idées, philosophies, de mouvements, tu sais, de par le monde. Puis je pense que en tant que femme, c'est naturel d'être féministe dans le sens que on a tellement eu justement, j'avais une rencontre avec la Fédération des femmes du Québec dernièrement. Puis quand tu vois la liste de toutes les choses que les femmes ont accomplies, c'est tellement on prend tellement ça pour acquis, en fait. Puis je pense que c'est normal en tant que femme de vouloir d'être féministe, en fait. Puis mon rapport, ce serait que je crois, mais surtout quand si je ramène ça à l'environnement, tu sais, je me dis à la base, en fait, je trouve que quand on compare tout ce qui se passe par la culture extractiviste ou de consommation, qu'est-ce qui se passe à la Terre a une répercussion directe sur les femmes. Puis tout ce qui se passe aux femmes affecte aussi plus une femme, disons, quand je regarde dans certaines communautés où les femmes étaient plus proches de la terre ou la meilleure relation, c'est souvent des communautés où les femmes vont vivre le plus de violence, tu sais. Puis il y a vraiment comme un lien, je trouve, entre les deux. Puis le fait de se réapproprier en fait sa force, je trouve ça permet aussi de réapproprier la force de la terre, tu sais. On oublie. Peux-tu développer un peu plus sur ce que tu disais, les femmes qui étaient proches de la terre subissaient plus de violence? Ben parce que, par exemple, si je regarde, en ce moment, il y a vraiment une atteinte partout aux sources de la vie, disons l'eau, la terre, tu sais, qu'on retourne vraiment à la base. Puis souvent, les femmes qui vont... Les femmes en soi, on est comme porteuses de vie, on devrait être gardiennes, tu sais, aussi de la vie. Puis quand les femmes se lèvent pour faire respecter ça, ils se font il y a de la répression. Puis juste par exemple, on va regarder dans les une des grandes raisons pourquoi je m'oppose à l'expansion des sables bitumineux, disons, des oléoducs, c'est que souvent quand il y a des projets de développement comme ça, en plus de pas reconnaître les communautés à la base, il y a une augmentation des violences contre la femme. Puis ça, c'est vraiment important d'en parler puis d'être solidaire aussi à ces femmes-là, parce que, tu sais, je regardais des communautés que j'avais... où il y a eu beaucoup de développement, disons, minier, ou juste un exemple, le meilleur exemple, dernièrement, Berta Caceres, qui était une leader autochtone au Honduras, puis de protection, en fait, qui se battait contre des projets de développement, puis qui s'est fait assassiner quand une femme décide de prendre la voie pour protéger la vie, surtout quand c'est une femme... autochtone, la répression est encore plus grande. Puis je pense que la raison pourquoi elle est encore plus grande, c'est parce que les femmes, ont une force incroyable. Puis si tous les femmes reprennent ce pouvoir-là, puis quand je parle de pouvoir, c'est pas de contre les hommes ou quoi que ce soit, mais juste de se réapproprier le rôle qu'on doit, ben c'est vu comme dangereux parce que ça remet en question tout le système colonialiste, puis un peu ce qui s'est établi depuis longtemps. Donc c'est des grandes réflexions, puis je pense que c'est pour ça qu'on doit se soutenir. Puis je voyais la semaine passée, il y avait eu un mur des femmes contre les sables bitumineux à Sorel-Tracy, où j'étais, puis je me disais, je trouvais ça super beau parce que c'était vraiment comme une présence physique, tu sais. Puis il y avait, je veux dire, c'était autant des hommes que des femmes, mais c'est vraiment de se reconsidérer notre impact, en fait, comme... Puis aussi, ça l'emmène un autre énergie dans les luttes, tu sais. Je voyais aussi en Colombie-Britannique, il y a 2 semaines, il y a eu de la répression policière contre des communautés qui voulaient empêcher un projet, je crois, minier. Puis, ils ont arrêté un des hommes d'une nation autochtone. Puis, les femmes, il y avait à peu près 8 femmes ou 9 femmes. Puis, les 8 femmes ont fait un cercle contre les policiers puis ont libéré, en fait, la personne. Puis, je trouvais ça tellement beau. Et puis ça, c'était comme on est... tu sais, c'est... Bon, en fait, juste cette idée-là, je trouvais que ça l'explique tout. Et pour terminer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des futurs projets qui s'en viennent pour toi, puis qu'est-ce que tu vas vouloir partager à travers ces prochaines œuvres-là. Oui, ben c'est ça. En ce moment, j'étais en train de finir une série de toiles, puis travailler sur un projet qui est encore un peu secret pour l'instant. C'est un peu par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, de voir aussi essayer de développer quelque chose peut-être à plus long terme, moins spontané. Ben tu sais, souvent il y a des projets ou une peinture, ça va être plus des petits projets à court terme. Puis je suis en train de développer quelque chose pour une vision plus à long terme, tu sais, à offrir aussi des services pour des communautés. Parce que j'ai réalisé que j'aime beaucoup faire des toiles, mais c'est pas vraiment pour être, disons, dans un musée ou tout ça. J'ai réalisé que les endroits où mon cœur était plus, puis où que les gens avaient plus me demandaient plus souvent les services, c'est vraiment des au niveau des communautés, tu sais, comment rendre visible des choses, comment partager des solutions aussi. Donc c'est ça, je suis en train de développer quelque chose par rapport à ça. Puis voilà. Ben on va suivre ça. Alors on peut te suivre sur Facebook à Fanny Aisha Art. Tu es aussi présente sur Instagram, donc on pourra mettre le tout sur la page Facebook de l'émission Ève et Pandore. Merci beaucoup Fanny d'être venue avec nous, d'avoir pris le temps de nous parler, c'était fascinant. Merci à vous de l'invitation. C'était l'entrevue d'Audrey avec Fanny Aisha, artiste visuelle. Merci Audrey. Ça fait plaisir. C'était vraiment plaisant de rencontrer cette femme-là et je vous invite vraiment à aller suivre, à aller voir qu'est-ce qu'elle fait sur Facebook et sur son site Fanny Aisha.